بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، ما بعد. Longe à Allah Azza wa Jal en cette nuit du 18 Rabi'at-Thani 1441, qui correspond au 15 décembre 2019. On se retrouve sur les ondes de Radio Taqwa pour le troisième cours concernant l'explication des quatre règles. Cheikh l'Islam Mohamed ibn Abdullah, rahimahullah, et l'explication est de l'érudit Cheikh Ubaid ibn Abdillah ibn Sulayman al-Jabiri, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rende sa vie dans son obéissance. Cette explication est intitulée Al-Bayan al-Murassa, Sharh al-Qawa'id al-Arba'. Faqala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam, rahmatullahi alayhi, fa'idha arafta anna Allah khalaqaka لعبادتي فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك هو معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Et donc, Cheikh l'Islam, Mohamed Abdullah, rahmatullah alayhi, dans ce passage, a dit ainsi: si tu sais qu'Allah t'a créé pour son adoration, sache que l'adoration ne peut être nommée adoration qu'avec l'unicité, tout comme la prière ne peut être nommée prière qu'avec la purification. Et si le polythéisme entre dans l'adoration, il la corrompt, tout comme le hadath, c'est-à-dire tout ce qui annule les ablutions, tout comme le hadath, lorsqu'il entre dans la purification, il l'annule. Dès que tu sais que lorsque le polythéisme se mélange à l'adoration et qu'il la corrompt, il anéantit les œuvres et que son auteur sera éternellement en enfer, tu sais alors que le plus important pour toi est d'en avoir connaissance, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te délivre et te sauve de ce piège, de ce filet qui est le polythéisme, au sujet duquel il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset: certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, en deçà de ça, il pardonne à qui il veut. يقول الشيخ عبيد حفظه الله تعالى في شرحه لهذا المقطع: في هذا بيان قبح الشرك ووجوب الحذر منه، وهذا بينه المصنف رحمه الله من عدة أوجه. الشيخ عبيد حفظه الله تعالى commentant ce passage, il dit: là commence l'éclaircissement sur le mal du polythéisme et l'obligation d'y faire attention. L'auteur Mohamed ibn Abdullah rahmatullah alayh le fait savoir ici par plusieurs points. قال الشيخ عبيد: الأول تشبيه العبادة بالطهارة وتشبيه الشرك بالحدث. ووجه الشبه أن الكل مفسد لما خالطه، فالحدث يفسد الطهارة إذا خالطها، والشرك يفسد على المرء عبادته ويجعلها كأنها غير موجودة، وإن كانت صورتها ظاهرة مرئية للناس لكن شرعا هي معدومة. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, le premier point par lequel Cheikh l'Islam montre comme quoi le danger de l'associationnisme et la gravité de l'associationnisme. Il dit, le premier point, en faisant la similitude entre l'adoration par la purification et le polythéisme, et le polythéisme par le hadath. Hadath, ce qui annule la purification et rend obligatoire le don. Et la similitude, c'est que tous les deux, lorsqu'ils rentrent dans l'œuvre, ils l'annulent. Le hadath annule la purification et le polythéisme annule l'adoration de la personne, comme s'il n'existait pas. Même si son image et son aspect apparaît aux gens, Mais au point de vue de la législation, il n'existe pas. قال حفظه الله تعالى ومتع به الوجه الثاني أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد فإذا خالط الشرك عبادة واحدة بطلت جميع عباداته فعلى سبيل المثال من شهد الشهادتين وصلى وزكى وصام وحج لكنه ينذر لغير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فكأنه لم ينطق الشهادتين وبطلت جميع هذه العبادات ولماذا؟ لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله تجريد الإخلاص في العبادات كلها لله ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذان شرطان لا يقبل الله من المرء عبادة حتى يستجمعهما كليهما. إلدي حفظه الله تعالى. deuxième point qui montre la gravité du polythéisme. Les paroles sont à Cheikh Ubayd, Hafidhahullah Ta'ala. Il dit, et le deuxième point qui montre la gravité de l'associationnisme et du polythéisme, c'est que l'adoration ne peut être nommée adoration qu'avec l'unicité, qu'avec le monothéisme. Si le polythéisme rentre dans une seule adoration, toute l'adoration de la personne sera vaine et sera perdue. Par exemple, celui qui atteste les deux attestations, prie, s'acquitte de la zakat, jeûne, a fait son pèlerinage, mais il fait des vœux pour autre qu'Allah, égorge pour autre qu'Allah, demande secours à autre qu'Allah concernant les choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut faire et peut accomplir. Celui-là, c'est comme il n'a pas prononcé les deux attestations. Toutes ses adorations sont vaines, ils sont perdus. Pourquoi? Car l'attestation de foi implique le fait de dire « La ilaha illallah ni din d'être adoré qu'Allah » implique que l'adoration doit être accomplie sincèrement pour Allah. Et la deuxième partie de l'attestation que Muhammad est le messager d'Allah implique le suivi du prophète alayhi salam dans toutes ses adorations. Et là, ce sont les deux conditions sans lesquelles Allah n'accepte aucune adoration. Allah n'accepte aucune œuvre de qui que ce soit s'ils ne sont pas réunis dans l'œuvre. Si la sincérité, le suivi ne sont pas réunis dans l'œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas cette œuvre. Qala حفظه الله تعالى ومتع به الوجه الثالث إحباط العمل وهذا دليله قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Troisième point, qui fait partie des points qui montrent la gravité de l'associationnisme, c'est que l'anéantissement de l'œuvre. Le polythéisme anéantit l'œuvre. La preuve est dans le verset, dont la traduction approximative nous dit ceci. En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Là, le message est que le prophète, alayhi salam, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. الوجه الرابع عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفره الله لمن مات. الشيخ الجي le quatrième point qui montre la gravité du polythéisme, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui meurt en étant polythéiste, en étant associateur. Il est clair le verset إن الله لا يغفر أن يشرك به. Donc Allah ne pardonne pas à quelqu'un qui lui fait quelque associé. Hein? Et donc l'associationnisme, Allah subhanahu wa ta'ala ne le pardonne pas. وهنا سؤال هل الشرك وها هنا سؤال هل الشرك الأصغر تحت هذا الوعيد أو تحت المشيئة؟ Ici, Cheikh Hafidhahullah il dit, ici, il y a une question qui se pose, qui est-ce que le polythéisme mineur, est-ce que le polythéisme mineur est concerné par cet avertissement ou alors le polythéisme mineur est sous le vouloir d'Allah, seul mashi'a d'Allah Azza wa Jal. يقول حفظه الله والجواب فيها فيه قولان لأهل العلم أحدهما أنه تحت الوعيد ولا يدخل في المشيئة والمعنى أن الله لا يغفر لمن مات عليه ودليلهم عموم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به وإيضاح ذلكم أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إن الله لا يغفر الشرك به وهذا يشمل الشركين الأكبر والأصغر لكن يفرق بينهما من وجهين أحدهما أن الأكبر ناقل عن ملة الإسلام إلى الكفر والأصغر ليس كذلك وتانيهما أن الأكبر موجب للخلود في النار الخلود الأبدي السرمدي الذي لا ينتهي وأما الأصغر فليس كذلك Il dit, حفظه الله تعالى en réponse à cette question Là, il y a deux paroles et deux positions d'hommes de science concernant ce point. Est-ce que le polythéisme mineur rentre dans cet avertissement ou pas ? Il y a deux paroles aux hommes de science. La première, c'est qu'il est sous l'avertissement. Et il n'est pas concerné par le mashi'a d'Allah, par le vouloir d'Allah. Cela veut dire, dit Cheikh Abidallah, qu'Allah ne pardonne pas qui meurt sur l'associationnisme mineur. Et leur preuve... La preuve des gens qui ont pris cet avis-là, le sens général de ce verset où il est dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Allah ne pardonne pas à quiconque qui lui fait un associé. Et l'explication de cela du Cheikh, c'est que « Anna » et les mots avec lesquels il est utilisé sont dans le sens d'une forme nominale du verbe. Et la supposition de la phrase est ainsi. Inna Allah la yaghfiru ash-shirka bih. Allah ne pardonne pas le fait de lui faire de l'associationnisme. Inna Allah la yaghfiru ash-shirka bih. Et donc il dit Hamidallah, donc cela concerne l'avertissement concerne les deux formes d'associationnisme, mineur et majeur. Mais la différence entre les deux formes d'associationnisme se fait par deux points. Le premier point L'associationnisme majeur fait sortir de l'islam et le mineur non. Le deuxième point, le majeur c'est l'éternité dans le feu sans fin, quant au mineur non. يقول حفظه الله القول الثاني أنه تحت المشيئة ولعل القائلين به استدلوا بزجر النبي صلى الله عليه وسلم لمن صدر منه شرك الألفاظ مثل ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده Et donc, et il dit la deuxième parole des hommes de science, c'est que le shirk mineur est sur le mashi'a, rentre et est concerné par le vouloir d'Allah. Et peut-être que les hommes de science, il dit, Habibullah, qui ont opté pour cette position, ont mis en avant la répression du prophète alayhi salam, faite à celui qui a prononcé une expression dans laquelle il a mis à pied d'égalité Allah et son prophète alayhi salatu wassalam quand cet homme a dit ce qu'Allah veut et ce que tu veux le prophète lui répondit tu m'as mis équivalent à Allah dis ce qu'Allah seul veut wa qala sallallahu alayhi wa sallam liman halafa bighayrillah لا تحلف بأبيك ولا بغير الله فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك مكتفيا بهذا الزجر بخلاف من حالف باللات والعزة قال واللات والعزة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلن البراءة قل لا إله إلا الله دي حفظه الله تعالى إلى البروفيت أدي à celui qui a juré avec autre qu'Allah, ne jure pas par ton père ni avec autre qu'Allah, car celui qui jure avec autre qu'Allah, il a associé, en se limitant à cette répression, alayhi salatu salam, contrairement à celui qui a juré avec Lat ou Al-Uzza, comme vous le savez, sont des divinités de la période pré-islamique, en disant, واللات والعزة لمشاذ الويدي دي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دي لا إله إلا الله on déclare ainsi le désavou de l'associationnisme des divinités وفي آية النساء السابقة بشارة لمن كان مؤمنا وإن كان فاسقا بمغفرة الله له لما لقيه عليه من الكبائر. يقول عز وجل ويغفر ما دون ذلك، يعني ما هو أقل من الشرك والكفر لمن يشاء. dans le verset dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas à quelqu'un qui lui fait un associé et on lui sait de ça, il pardonne à qui il veut. Dans ce verset du Cheikh Hafidhahullah, il y a une bonne nouvelle pour ceux qui sont croyants. Même s'ils commettent des désobéissances à Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner malgré leurs péchés capitaux. Il dit le verset 10 dans sa traduction approximative, « وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ » Il pardonne en deçà de ça à qui il veut. Subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en dehors de la société unique, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à qui il veut. Il dit, Habibullah, cela concerne tout ce qui n'est pas du domaine de l'associationnisme majeur. Donc Allah pardonne à qui il veut, subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله إذن مرتكب الكبيرة الذي يلقى الله عليها دون توبة وهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وإن عذبه لم يخلده في النار كما جاء هذا مصرحا به في حديث الشفاعة. إلدي حفظه الله تعالى Donc celui qui commet des péchés capitaux, s'il rencontre Allah sans en être repenti, sans être repenti de ses péchés capitaux, il dépend de la mashi'a d'Allah, il dépend du vouloir d'Allah. Si Allah veut lui pardonner, il lui pardonne. Et s'il veut le châtier, ben il le châtiera. Et s'il est châtié, il ne restera pas éternellement en feu, comme il est rapporté clairement dans le hadith de l'intercession. Yaqulu hafidhahullah. ومن الأدلة على ذلكم أيضا قوله من لقي قوله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل النار أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما. إيه حفظه الله تعالى parmi les preuves aussi le hadith rapporté par Muslim, celui qui meurt n'ayant fait aucun associé à Allah, rentrera au paradis. Et celui qui meurt, en lui ayant donné un associé, rentrera en enfer. Le hadith de Jabir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. يقول حفظه الله وتأملوا لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة يعني من في عنه لقاء الله على شرك وكفر كذلك ومن لقي الله يشرك به دخل النار وإن عمل أي عمل. Il dit méditez, rencontre Allah en lui ayant fait aucun associé. Il dit il rentrera au paradis. Il dit cela signifie aussi que celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec de l'associationnisme et de la mécréance, c'est que l'associationnisme et de la mécréance empêchent la rencontre d'Allah. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans lui avoir fait aucun associé rentrera au paradis. Celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala on lui ayant fait aucun associé. Il dit cela veut dire aussi que l'associationnisme et la mécréance empêchent la rencontre d'Allah. Il dit aussi celui qui meurt en ayant associé rentre en enfer. Peu importe les œuvres qu'il aura accomplies. يقول الوجه الخامس تشبيه الشرك بالشبكة وهي المصيدة التي يصاد بها حيوانات برية وبحرية ومعنى هذا أن من وقع في الشرك يعسر عليه أن يتخلص منه إلا من رحم الله وسبق في علمه تعالى وجرى به قلمه أنه أهل للهداية. Et il dit, le cinquième point qui montre le danger de l'associationnisme, c'est le fait que l'auteur a fait ressembler l'associationnisme au piège avec lequel on chasse les animaux ou avec le filet avec lequel on pêche les poissons. Il dit, Cheikh Obaid, cela veut dire que celui qui tombe dans le polythéisme, il sera difficile pour lui d'en sortir, sauf ceux qu'Allah couvre de sa miséricorde et qu'il est écrit dans la planche préservée qu'ils seront parmi les guidés. يقول حفظه الله وعسر التخلص من الشرك يرجع إلى أمرين الأمر الأول تقليد الماضي من الأسلاف قال تعالى عن أخبار الأمم حينما تدعوهم رسلهم إلى التوحيد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون أي سالكون آثارهم إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة يلجي حفظه الله تعالى إلى difficulté pour se détacher de l'associationnisme revient à deux points et à deux choses. Premier point, c'est le fait d'imiter les ancêtres. Comme Allah l'a annoncé concernant les différentes communautés hein, qui sont passées auparavant, quand leurs messagers les appelaient au monothéisme, ils disaient quoi? Ils disaient ceci dans la traduction approximative du sens du verset, « Nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. » C'est-à-dire, nous avons trouvé nos ancêtres sur cette religion et nous suivons leurs traces. Cheikh, il dit donc qu'ils suivent les traces de leurs ancêtres. Il dit, il y a d'autres versets qui prouvent tout cela. يقول حفظه الله ومن السنة حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وكان عنده عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة وأبو جهل هشام بن المغيرة فقال ترغب عن ملة عبد المطلب فكلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد عليه أترغب عن ملة عبد المطلب حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبان يقول لا إله إلا الله والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Et donc, il dit, et la preuve de la sunna, le hadith rapporté par l'Imam Bukhari, l'Imam Muslim, le hadith de Saïd ibn Musayyib, qui le rapporte de son père, dit qu'Abu Talib était sur la fin de sa vie. Le messager d'Allah est venu le visiter. Il lui a dit, oh oncle, dis la ilaha illallah, une parole qui sera pour moi une preuve auprès d'Allah. Et autour d'Abu Talib, il y avait Abdullah ibn Abi Umayy ibn al-Mughira, ou Abu Jahl, Hisham ibn al-Mughira. Ils lui ont dit, tu détournes de la religion de Abdul Muttalib, c'est-à-dire tu te détournes de la religion de ton ancêtre. Et chaque fois que le prophète répétait l'appel à son oncle, l'appel du monothéisme à son oncle, les autres répétaient, tu te détournes de la religion de Abdul Muttalib, ça veut dire tu te détournes de la religion de ton ancêtre. Jusqu'à ce que Abu Talib a prononcé sa dernière parole avant la sortie de son âme en disant sur la religion d'Abdul Muttalib. Il a refusé de dire la ilaha illallah et il est mort sur la religion de son ancêtre. L'amr al-thani, علماء السوء الذين نشأوا الناس على الشرك فنشأت ناشئة وجدوا آباءهم عليه ويظنون أنه من دين الإسلام ومثلهم كذلك من يدخل في الإسلام على أيدي هؤلاء فيعلمونهم أن الشركيات كالذبح لغير الله الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله النذر لغير الله يعلمونهم أن ذلك من دين الله الحق فإذا جاءتهم الدعوة إلى التوحيد يستنكفون ويستكبرون ويجادلون بالحجج الباطلة ويجادلون على ذلك. Et donc, il dit حفظه الله تعالى, et le deuxième point qui rend difficile, c'est de détacher du polythéisme, dit les mauvais hommes de science qui ont éduqué des gens sur l'associationnisme. Et cela a donné l'existence à une génération qui a trouvé ses ancêtres dans le polythéisme et dans l'associationnisme. Et ils croient, et cette génération croit que ça fait partie de la religion musulmane. Et dans la même situation que cela, ceux qui se convertissent par le biais de mauvais hommes de science, qui leur apprennent l'associationnisme, qui leur apprennent comme quoi l'associationnisme, leur enseigne l'associationnisme et le politisme, comme le fait d'égorger pour autre qu'Allah, de demander secours à autre qu'Allah, dans les choses que ne peut faire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des vœux pour autre qu'Allah. Il leur enseigne que cela fait partie de la vraie religion d'Allah. Ainsi, quand leur arrive la da'wah du monothéisme, par les prêcheurs et les réformateurs qui les appellent vers le monothéisme, ils s'inorgueillent, s'obstinent, ils polémiquent avec des fausses preuves pour défendre le faux sur lequel ils sont. يقول حفظه الله وها هنا سؤال الكل مضطر إلى جوابه والإصغاء إليه في حياته العلمية والعملية وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك فلماذا توجه الخطاب إليه في قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الشيخ الجي حفظه الله تعالى ici se pose une question que tout le monde est obligé d'entendre et d'y répondre, que ce soit au niveau du savoir ou au niveau de ses actes, ou au niveau des actes. Dit le messager d'Allah, est protégé du polythéisme. Pourquoi le discours s'est adressé à lui ainsi, dans le verset dans la traduction approximative, nous dit ceci, il t'a été révélé à Muhammad, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire parmi les prophètes, alayhi salatu wassalam. Il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si tu y associes, ton œuvre sera vaine et tu feras partie des nombres des perdants. Al-jawab, يقول الشيخ حفظه الله, al-jawab لأنه إمام الأمة, فالشرك قد يقع فيه العبد, ولم يعصم الله منه إلا الأنبياء, فهم معصومون منه, مشهود لهم, عليهم الصلاة والسلام. أما الأمة فينجو منه من نجى الله سبحانه وتعالى ويقع فيه من وقع. Et la réponse du Cheikh, c'est que le messager, c'est l'imam, c'est le guide de la communauté. Et le soumis peut tomber dans l'associationnisme. Allah n'a épargné le fait de tomber dans l'associationnisme que les prophètes, alayhi salatu wassalam. Il a été attesté pour eux comme quoi ils ne le feront pas. Comme quoi ils ne tomberont pas dans le polythéisme, alayhi salatu wassalam. Quant aux membres de la communauté, sera sauvé du polythéisme, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé, il sera tombé ceux qui y tomberont. قال المؤلف رحمه الله تعالى لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. Et donc l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohamed Ibn Abdelwahab, rahmatullah alayhi, qu'Allah le couvre de sa sainte miséricorde, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui octroie le firdaus al-a'la, il a dit, en espérant qu'Allah te délivre et te sauve de ce piège ou de ce filet, qui est le polythéisme, au sujet duquel Allah a dit dans la traduction approximative du verset, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, en deçà de ça, il pardonne à qui il veut. Et ce, dit Cheikh l'Islam, ici en ayant connaissance de quatre règles qu'Allah a mentionnées dans son livre. Le moyen pour être sauvé, c'est de connaître de ces quatre règles et de les mettre en application. يقول الشيخ عبيد تضمنت هذه الآية أمرين. الأمر الأول عدم مغفرة الله الشرك لمن مات عليه. والشرك إذا أطلق فهو الشرك الأكبر وهو المخرج من ملة الإسلام. Et الشيخ حفظه الله الشيخ عبيد il dit commentant ce passage, il dit ce verset contient deux choses. La première, le fait qu'Allah ne pardonne pas celui qui meurt sur l'associationnisme et sur le polythéisme. Et il dit, Havidallahu ta'ala, et quand tu shirk est cité dans l'absolu, il concerne le shirk majeur, c'est-à-dire le grand associationnisme. L'associationnisme qui sort de l'islam, ou le polythéisme qui sort de l'islam. يقول والأمر الثاني أن ما دون الشرك والكفر ومنها الفواحش كالزنا والسرقة من مات عليها ولم يتب منها كان تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله جنته وإن شاء عذبه لقاء إصراره على كبيرته وإن عذبه لم يخلده في النار والحاصل أن من مات على التوحيد الخالص لله موعود بالجنة والأحاديث في هذا كثيرة منها حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم واعلموا هيأ الله لنا ولكم الرشد في الأمر ورزقنا وإياكم الإخلاص والسداد في الأقوال والأعمال أن الأحاديث في هذا الباب متواترة تواترا معنويا إيه اللي حفظه الله تعالى Le deuxième point qu'il faut comprendre dans ce verset, qui est contenu dans ce verset, tout ce qui est en dehors de l'associationnisme et en deçà de l'associationnisme et de la mécréance, comme la turpitude, c'est-à-dire les péchés capitaux, comme la turpitude, la fornication, le vol. Ces péchés capitaux, le monothéiste qui les commet, il meurt sans repentir. Il est sur le mashi'a d'Allah, sur le vouloir d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. Il le fait rentrer au paradis. Et s'il veut, il le châtie pour sa persistance à faire les péchés. Mais il ne demeurera pas éternellement au feu. En conclusion, qui meurt sur le monothéisme pur, il est promis au paradis. Tout un chacun qui meurt sur le polythéisme pur, il est promis au paradis. Les hadiths, des chers, les hadiths, le prouvant, et prouvant cela sont nombreux. Fait partie de ces hadiths, le hadith du Jabir ibn Abdillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée, qui a été cité auparavant. Il dit, Havidallah, et sachez qu'Allah nous facilite le bien et la bonne orientation dans toutes les situations et qu'il nous octroie à tous la sincérité dans les paroles et les actes et le suivi dans les paroles et les actes et le suivi dans les paroles et dans les actes que les hadiths à ce niveau sont nombreux. Ils sont du domaine du mutawatir, c'est-à-dire rapportés par plusieurs, plus de 10 personnes à chaque étape de la chaîne de transmission et par plusieurs chaînes. Et aussi leur signification et leur sens et les mutawatir. يقول حفظه الله قوله رحمه الله قواعد. القواعد في اللغة جمع قاعدة وهي ما يرتفع عليه البناء ويعتمد عليه. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. Et il dit, Havidallahu ta'ala, l'auteur a dit qawa'id, l'auteur a dit des règles. Il a dit 4 règles. Les règles en langue arabe veut dire, c'est le qawa'id, c'est le pluriel de qa'ida. Et en langue arabe, c'est la fondation sur laquelle on élève la construction. Sur la fondation sur laquelle on va se baser. Et il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises ou les bases de la maison. يقول حفظه الله والمراد هنا في قول المصنف رحمه الله هي ما يحتج به المشركون من اتخاذ الآلهة فيما يزعمون وإقامة الدليل على بطلانها وقوله أربع يعني أربع حجج للمشركين أبطلها الله عز وجل وأبطلها رسوله صلى الله عليه وسلم اللي حفظه الله تعالى Ce qui est voulu ici par quatre règles, par ces règles, dans la citation de l'auteur, Cheikh l'Islam, Mohamed ibn Abdelwahab, rahimahullah ta'ala, il désigne par là les preuves avec lesquelles argumentent les polythéistes pour l'adoration qu'ils vouent à leur prétendue divinité. C'est-à-dire les règles et les preuves et l'argumentation qu'utilisent les polythéistes pour leur mauvaise et leur nulle adoration qu'ils vouent à leur prétendue divinité. Et ces règles qu'il a citées, Abdallah, les polythéistes les prennent comme argument pour défendre le faux sur lequel ils sont. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Fa jazallahu shaykhana al-shaykh Ubayd hafidhahu Allah ta'ala ala ma qaddama wa yuqaddimu lihadi da'wati salafiyyati al-mubaraka. وأسأله سبحانه وتعالى أن يطيل عمره في طاعته وأن يرزقه الفردوس الأعلى يوم لقائه وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله خيراً.